Chapitre 6e, le caribou. Le ruisseau que longeait Tyr était un tributaire de la Badine et coulait presque en droite ligne dans la direction de la Skeena Pass. À mesure qu'il remontait le cours du ruisseau, le terrain devenait plus accidenté. Sa rencontre avec Musqua avait lieu à quelques 10 000 de la gorge. À partir de ce point, les pentes prenaient un aspect différent. Elles étaient fortement ravinées et parsemées d'éboulis chaotiques. Le ruisseau devenait plus sonore et le cours en était plus difficile à suivre. Tyr pénétrait maintenant dans l'une de ses forteresses, une région qui contenait des milliers de cachettes, au cas où il eût voulu se cacher. Un pays sauvage et bouleversé où le gros gibier abondait, et où il était certain que l'odeur de l'homme ne le poursuivrait pas. Pendant la demi-heure qui suivit sa rencontre avec Musqua, Tyr continua d'avancer, entièrement oublieux, semblait-il, de la présence de l'ourson. Pourtant, il l'entendait et le sentait fort bien. Musqua avait du mal à suivre. Son corps grassouillet et ses petites pattes courtes n'étaient pas accoutumés à cette manière de voyager. Mais c'était un gaillard courageux, et il ne se plaignit qu'à 2 reprises au cours de cette demi-heure. La première, lorsqu'il dégringola du haut d'un rocher dans le ruisseau, l'autre parce qu'il appuya trop fort sur le piquant de porc épique qu'il avait dans la patte gauche. Finalement, Tyr se détourna du ruisseau, entrepris de gravir une profonde ravine qui débouchait sur une petite plaine en forme de plateau à mi-hauteur de la pente, et s'arrêta à proximité d'une roche plate au milieu d'une sorte de pelouse. La persévérance de Musqua à le suivre avait sans doute fait vibrer une corde sensible dans le cœur du grand grizzly. Le fait est qu'après avoir flairé quelques instants de ci de là, il s'étendit auprès du roc. Ce fut seulement alors que l'ourson alla frimousse brunose à se coucher, mais il était tellement épuisé qu'il s'endormit en 3 minutes. 2 fois durant la première partie de l'après-midi, le sapozowin produisit son effet sur Tyr et il commença de sentir la faim. Ce n'était pas une faim à se laisser apaiser par des fourmis, des limaces ou même des loirs ou des marmottes. Musqua n'avait pas ouvert l'œil une seule fois, et il dormait toujours profondément lorsque Tyr se décida à continuer. Il était environ 3 heures. L'après-midi était particulièrement calme. Les loirs avaient sifflé jusqu'à complète fatigue et lézardaient au soleil sur leurs rochers. Les aigles planaient si haut, au-dessus des pics, qu'ils n'étaient plus que des points dans l'azur. Les éperviers gorgés de viande avaient disparu dans les sapins. Les moutons et les chèvres se détachaient sur le ciel, silhouettes accroupies au sommet des crêtes, et s'il y avait des ruminants tout proches, ils avaient l'estomac plein et ils devaient somnoler. C'était l'heure où Tyr se mettait en chasse. Il savait par expérience qu'il pouvait se déplacer avec moins de chances d'être découvert lorsque les autres créatures digéraient et faisaient la sieste. C'était l'heure la plus favorable à la découverte du gibier et à son observation. Mais il ne tuait guère au grand jour, quoiqu'il surprit parfois alors un mouton ou un caribou. C'était surtout au crépuscule que Tyr abattait son gibier. Il se leva avec un ouf prodigieux qui réveilla instantanément l'ourson brun. Tandis que Musqua s'étirait, Tyr le considérait avec une sorte de mou. Après le sapozowin, il avait envie de viande rouge et juteuse. Il avait envie de viande, de beaucoup de viande. Il se demandait avec une pointe d'inquiétude comment il s'y prendrait pour attraper un caribou avec cet ourson affamé et fort encombrant à ses trousses. Musqua parut comprendre son état d'esprit. Il courut en avant de Tyr, et après avoir parcouru 12 mètres, s'arrêta et le regarda d'un air impudent en dressant ses petites oreilles. Il prit tout à fait l'air d'un garçonnet cherchant à convaincre son père de son aptitude à suivre une première chasse au lapin. Émettant un deuxième ouf, Tyr se mit à descendre la pente. D'un seul élan, il attrapa Musqua et du revers de sa patte droite, il l'envoya rouler à quelques mètres derrière lui, manière d'exprimer clairement « Tâche moyen de rester derrière si tu veux chasser avec moi. » Les yeux, les oreilles et les narines alertes, Tyr descendit donc lentement jusqu'à 200 mètres du ruisseau. Il ne recherchait plus maintenant les chemins faciles, mais bien le terrain le plus accidenté. Il avançait doucement en zigzag, faisant précautionneusement le tour des grands éboulis, flairant chaque rabine sur son passage et fouillant les boqueteaux et les fourrés. Parfois, il était si haut qu'il voisinait presque avec les sommets dénudés des monts, d'autres fois si bas qu'il foulait le sable et le gravier du ruisseau. Il surprit bien des fumées dans le vent, mais aucun ne l'intéressa assez pour qu'il s'y attachât. Pas une seule fois, au cours des 2 heures qui suivirent, Tyr ne sembla prêter d'attention à Musquois. L'ourson avait de plus en plus faim, et il se sentait de plus en plus las à mesure que le jour s'allongeait. Dans les passages accidentés, il tombait et trébuchait fréquemment. Dans les éboulis, il avait toutes les peines du monde à gravir les blocs que Tyr franchissait d'un pas. 3 fois, le grand grizzly passa le ruisseau à gué, et Musquois se noya à moitié pour le suivre. Il était éreinté, rompu, trempé. Pour comble, sa patte lui faisait mal, mais il s'obstinait toujours. Parfois, il était tout près de Tyr. D'autres fois, au contraire, il lui fallait courir pour le rattraper. Le soleil était sur le point de se coucher et Musquois était presque mort, lorsque Tyr découvrit enfin un gibier digne de lui. L'ourson ne comprit pas tout de suite pourquoi Tyr aplatissait sa masse énorme derrière un rocher à l'entrée d'une prairie raboteuse. Il avait envie de pleurer, et de plus, il avait peur. Il n'avait jamais désiré à ce point la présence de sa mère. Il ne savait pas pourquoi. Elle l'avait quitté, pourquoi elle n'était pas revenue. C'était l'heure où il tétait avant de s'endormir, car il était né en mars et aurait dû téter jusqu'en août au moins. À quelques 300 mètres au-dessous de Tyr s'élevait un boqueteau de pin balsamique au bord d'un lac en miniature qui occupait le fond d'un creux. Dans ce boqueteau, il y avait un caribou, peut-être même 2 ou 3. Tyr en était aussi certain que s'il avait pu voir. Le wenipu, l'odeur des ruminants couchés, était aussi différente pour Tyr du mekizo, l'odeur des ruminants en train de paître, que le jour l'est de la nuit. La première flotte passagèrement dans l'air comme le parfum des cheveux d'une femme qui passe. L'autre s'étale, chaude et lourde à fleur de terre, comme l'odeur d'un flacon de parfum renversé. Musquois lui-même avait senti l'odeur. Il se rapprocha tout doucement du grand grizzly et se coucha. Pendant 10 bonnes minutes, Tyr ne bougea pas. Ses yeux sondèrent la courbe en coupelle, la rive du lac, l'orée du boqueteau et ses narines analysèrent le vent. Rassuré, il se mit en chasse en rampant presque sur le ventre. Ses oreilles pointées en avant, une nouvelle lueur dans les yeux. Musquois prit sa première leçon. Tyr avançait lentement, sans bruit, dans la direction du ruisseau. Son énorme collerette se dressait à la naissance des épaules comme une fraise gaudronnée. Pendant 100 mètres, il continua son crochet, sans cesser de flairer le vent, qui venait droit du boqueteau. Il était prometteur, ce vent. Tyr continuait d'avancer en roulant sur son arrière-train. Il faisait de plus petits pas qu'à l'ordinaire et tous ses muscles étaient tendus pour l'action. En 2 minutes, il lui atteint l'orée des pins balsamiques et il s'arrêta de nouveau. Un craquement de branches brisées lui parvenait distinctement. Les caribous s'étaient levés, mais ils n'étaient pas inquiets. Ils allaient sortir du boqueteau pour aller boire avant de paître. Tyr, silencieux, se déplaça. Musquois semblait son ombre même. Ils parvinrent à la corne du bois. De là, caché par le feuillage, Tyr commandait la rive du lac et la courte étendue de plaine. Un grand caribou apparut. Ses ramures avaient atteint les 3/4 de leur croissance et se couvraient de mousse verte. Un jeune mâle de 2 ans à peine, au flanc lustré et rebondi, luisant comme du satin brun, venait à quelques pas. Pendant un temps, le chef de horde, yeux, oreilles et narines alertes, épiait le danger possible. Le jeune animal, moins méfiant, croquait une herbe de ci de là. Mufle levé, ramure basse, effleurant presque les épaules, le vieux caribou s'ébranla dans la direction du lac. Tyr, lui, sortit de sa cachette. Pendant une fraction de seconde, il se ramassa sur lui-même, et puis il bondit en avant. 40 mètres au maximum le séparaient du jeune mâle. Il avait couvert la moitié de la distance, tel un bolide, quand les caribous l'entendirent. Ils détalèrent comme des flèches, mais il était déjà trop tard. Comme le vent, Tyr s'était porté sur le flanc du jeune caribou et l'avait un peu dépassé. Il l'obliqua légèrement sur le côté et d'un élan, il l'enleva telle une balle. sa formidable patte droite ceinture à l'encolure du cerf, et lorsqu'ils s'abattirent ensemble, sa patte gauche vint saisir et broyer le mufle frémissant. Tyr tomba dessous comme toujours, replia une patte de derrière, la détendit, et ses cinq griffes éventrèrent le caribou. Elles ne firent pas que l'éventrer, mais tordirent et brisèrent ses côtes. Alors Tyr se releva, jeta un coup d'œil circulaire et se secoua en grondant. Était-ce clameur de triomphe ou invitation au festin à l'adresse de Musquoi? Si c'était une invitation, le petit ours à frimousse brune n'hésita pas à accepter. Pour la première fois, il sentait et goûtait la chair palpitante et l'appel le sang acré chaud. Dès lors, Musquoi serait, comme l'était Tyr, un tueur de gibier. Tous les grizzlies, incidemment, ne chassent pas le gros gibier. Ceux qui le chassent sont plutôt rares. La plupart d'entre eux se contentent d'un régime végétarien, corsé de gerboises, de marmottes, de porc-épic et de poissons. C'est le hasard qui les transforme en chasseurs de caribous, de chèvres, de moutons, même de buffles. Pendant 2 heures, Tyr et Musquoi festoyèrent sans interruption, non pas à la façon des chiens, mais à la manière des gourmets. Musquoi, à plat sur sa bedaine et presque entre les pattes de Tyr, se gorgeait de chair juteuse. Tyr commençait par les hors-d'œuvre, malgré que le sapouzowin le vidait comme une pièce sans meuble. Il arrachait les minces feuilles de graisse qui entouraient les reins et les entrailles de sa victime et les mâchonnait les yeux mi-clos. Les dernières lueurs du soleil s'effacèrent par-delà les monts et l'obscurité s'étala après un crépuscule rapide. Il faisait sombre lorsqu'ils cessèrent de se repaître et cette fois, Musquoi était plus large que long. Naturellement conservateur, Tyr ne gaspillait jamais rien de ce qui est bon à manger. Et si le vieux caribou mâle s'était frôlé à cet instant délibérément dans ses pattes, il l'eût certainement épargné. Il avait de quoi satisfaire sa faim pendant plusieurs journées et entendait mettre en sûreté cette réserve de nourriture. Il s'enfuit donc vers le bouqueteau de pain balsamique sans que l'ourson gavé eût fait un effort pour le suivre. Musquoi était trop heureux pour bouger et il se doutait bien que Tyr n'abandonnerait pas les reliefs plantureux de son festin. 10 minutes plus tard, Tyr justifiait, en revenant, ses prévisions optimistes. Entre ses mâchoires puissantes, il saisit la carcasse du caribou à la base de la nuque et il se mit à la tirer sous le petit bois comme un roquet tournerait un énorme gigot. Le caribou pouvait peser 400 livres. S'il en avait pesé 800 ou même 1000, Tyr l'aurait tout de même traîné, mais autrement, à reculons. Tyr amena donc sa lourde charge jusqu'à l'oreille du bouqueteau, où il avait su découvrir certains creux de terre impropices. Il l'y poussa, et aussitôt entreprit de la recouvrir avec des aiguilles de pin, des branches et de l'écorce pourrie. Après quoi, il flaira le vent et sortit rapidement du bois. Cette fois, Musquoi le suivit. Il avait une certaine peine à se diriger normalement, grossi qu'il était par son poids additionnel considérable. Les étoiles commençaient à poindre, comme Tyr gravissait une pente accidentée qui conduisait au sommet même de la montagne. Ils traversèrent un champ de neige et arrivèrent à un endroit où on eût dit qu'un volcan avait éventré la montagne. Un homme n'aurait guère pu passer là où Tyr conduisit Musquoi. Finalement, ils s'arrêtèrent. Ils se trouvaient sur une sorte d'encorbellement très étroit au pied d'une muraille à pic au-dessus d'un chaos de roc. Tout là-bas, dans le fond, s'étalait la nappe bleue d'un lac apparemment sans fond. Tyr se coucha, et pour la première fois depuis sa blessure, il étendit sa tête entre ses grosses pattes et poussa un soupir de soulagement. Musquoi se glissa tout contre lui, et tous deux dormirent du profond sommeil paisible qui accompagne les bonnes digestions, cependant que les étoiles scintillaient plus brillantes et que la lune se levait pour baigner les pics et les vallées de sa splendeur argentée.